train de voter là comme un naze. Je râle. Je suis un râleur. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.